connais plus personne. Harley-Davidson. Quand je sens en chemin les trépidations de mes chiens, ils me montent des désirs dans le creux de mes reins. Je vais à plus de 100. Je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir en Harley-Davidson? Harley-Davidson. Harley-Davidson. Aujourd'hui, Lucille Deniseau, auteure, compositrice, interprète, une femme de cœur, une guitariste hors pair. Alors voici mon amie, Lucille Deniseau. Il y a un choix, il y a un choix incroyable, incroyable de produits dans l'air et les gares jusqu'à la nuit. De chocolat, la gondole, la belle, la belle. Raquette, je regagne mon cachet, ma chère.

une chose invraisemblable. Donc, on ne dira pas de prendre la retraite à 65 ans. Non, non, je ne suis pas journaliste du tout. Tu es musicien? Pas du tout. On est très mort à table. Ça fait un, deux, trois d'entre nous qui fut le moins aimable. Sorte à jamais du tableau. On est très épas dans nos assiettes. Bonjour le climat. Complètement givré du squelette. Cliquetis de tibia. On est très ennuyé. Il aurait mieux fallu faire un buffet. On est très morts à table. Tirons donc au sort. Solution la seule envisageable étant nivelée par la mort. On est très comme des chiens de faïence, fuyant du regard voisin au profil de crédence, faut trancher sans le la. On est très ennuyé, mais à la courte paille, on va tirer. On appelle une main neutre, l'âme d'un innocent. À vrai dire, on est que les pleutres, que peut-on risquer maintenant? Que le grand puzzle se désagrège en tas d'eau solaire. Mélanger nos phalanges et vertèbres, on a encore quelques dignités. On est très tout, on reste vulnérable en matière de superstition. On est 12 le nombre des apôtres autour d'un Jésus. Délicieux avec une côte, rôti, sacré jus. On est 12 heureusement. Vous aurez parti sur deux tramés, sorti une boîte en carton recyclé. On était 13 morts à table, ça ne pouvait pas bien se passer, pas bien se passer, pas bien se passer, bien qu'on soit. Boris vient, faut que ça saigne. Ah ben oui, ouais. Mais un peu quand même, hein. Ouais. Mais il a raison, hein. Ouais. Bah oui. Mais pas sur soi. Non. Oh, peut-être sur soi un peu aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu me réserves comme lui? Voilà, c'est génial. J'adore. Tu sais, j'ai une amie qui est journaliste, et elle a toujours des surprises comme ça dans sa haute. Ah oui, ah ben voilà. C'est la haute du journaliste. Et il y en a 10. Génial. De l'eau. Ouais. L'eau du robinet ou l'eau... De l'eau sous toutes ses formes. Ok. Mm. Si tu étais une ville. Ouagadougou. Ah oui? Est-ce que tu y vas? J'y suis allée. Ok. C'est génial. L'Afrique, j'ai travaillé en Afrique en fait, dans l'humanitaire. Combien de temps? J'ai fait plusieurs séjours sur des projets quand j'étais plus jeune. Et je suis pas restée des années, mais je suis restée plusieurs mois à chaque fois. Pour aimer l'endroit. Comment? Tu es resté assez pour aimer. Ah oui, ah oui, le Burkina Faso, l'Afrique, j'ai fait plusieurs pays, non, formidable, un continent extraordinaire, quoi. Ouais. Mm.

Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.